petits bouts de polyuréthane rose posés sur une table semblant prendre la pose. Petits carrés à l'effigie de rose, figés dans le temps pour toujours éclos. De sable, hologramme vivant, oh toi, joli carré rose, petite case mémoire, tu déroules ta pose élastique dans le temps. C'est ma rose hologramme. Fil d'Ariane de ma mémoire, rose hologramme, guide mémoristique, rose hologramme, un jour décrit du début à la fin, dans un journal consigné, toute ma vie sans refrain, mieux écrit peut-être. Par la plume et la chacun de ces pétages retrouve un visage, un paysage qui s'étale de ma vie, un passage. Rose hologramme, mon sablier. Rose hologramme, clepsydre figé. Je l'ai jeté dans le vide ordure en mille fragments éclatés, chaque débris ayant sa beauté, mille heures passées à la contempler, en un éclair mille se sont révélées, plus intenses, plus belles, plus vivantes aussi. Des accès, désorientés, déboussolés et hantés. Cette seconde fut pour moi une tempête de l'émoi.